Bienvenue sur l'Instant Groove. C'est Nathan aujourd'hui. C'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub, en passant par la techno et par les synthétiseurs qui vous feront frissonner de la tête aux pieds. Aujourd'hui, j'accueille Dr. Feuille. Bonjour Dr. Feuille, comment vas-tu aujourd'hui? Père et toi? Ça va super bien. Qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Eh ben aujourd'hui, on va se faire un petit peu de techno. Ça va être très texturé, ça va être hypno, ça va être raw et ça va être super. Ça va être super. BPM 140, c'est parti. À toi, Dr. Feuille. We'll be right back. Quel voyage hypnotisant. Merci à toi d'être là parmi nous. Parmi nous, mais je suis tout seul, mais c'est pas grave, on est deux. Et j'avais juste une remarque à faire. Comment je t'ai rencontré, c'était intéressant, c'était l'année dernière à la Palette. Exactement, et ouais. J'ai trouvé ton set incroyable et c'est pour ça que j'ai pas arrêté de te suivre et j'adore ce que tu fais. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Alors, pourquoi et comment as-tu commencé à jouer de la musique et depuis quand joues-tu de la musique ? Alors de la musique, ça fait depuis mes 13 ans. Mon premier contact avec un instrument, c'est une basse. Ensuite, ça a été plutôt la guitare pendant un moment, plutôt axé dub, reggae, tout ça à l'époque. Excellent. Bien changé depuis, oui, mais c'était vraiment la base. Et ensuite, j'ai découvert, de par ma formation de technicien du spectacle, tout ce qui est composition informatique. Du coup, forcément, c'était bien de le faire avec un clavier, donc j'ai appris le clavier. Et puis de tout ça, j'ai acheté du petit matos, un synthétiseur modulaire, tout ça. Je me suis intéressé à la techno et puis je suis bien tombé dedans. Et ça fait combien de temps maintenant, là ? Maintenant, ça doit faire quasiment 3 ans. Ok, voilà. 3 ans et un très bon niveau. Ouais, ça fait plaisir. Et c'est quoi tes influences majeures là, qu'on va écouter aujourd'hui hein ? Mes influences majeures, alors c'est marrant, mais dans les trucs que je vais passer, c'est pas tellement des influences, c'est des trucs que je découvre plutôt récemment, mais dans mes influences, je dirais que moi j'aime beaucoup les musiques avec de l'univers, donc je parlais de la dub, justement la dub ça s'y prête beaucoup, mais je suis aussi un grand fan des Floyd, je suis aussi un grand fan de Stoner aussi, enfin tout ce qui se prête à une bonne énergie hypnotique et qui rentre dans une transe quoi. Ça me donne envie de continuer ce set avec toi. Et on est reparti. Qu'est-ce que tu vas nous proposer là ? Et alors là, on est sur du Lady Starlight, une nana qui fait du live et qui est trop puissante. Et on va enchaîner sur Konapt, un Allemand à la techno deux fois plus puissante. Allez, c'est bien c'est vendu. Parti. C'est parti. We'll be right back. toujours sur l'Instant Groove et aujourd'hui j'accueille Dr Feuille. Waouh! Là, si j'étais dans un club, je serais dans une cave toute sombre et je me ferais voyager loin, très loin. Je sais pas, mais c'était incroyable, merci beaucoup. Et ben, merci à toi. C'est l'heure de la question farfelue. Ton nom de scène est Dr Feuille. Pourquoi? Ouais, alors c'est par rapport à mon blaze, c'est mon nom de famille que je citerai évidemment pas ici, mais c'est carrément ça, je laisse aux auditeurs génial. L'occasion de fantasmer sur ce que ça peut être. Excellent. As-tu une anecdote à nous raconter sur un de tes DJ sets? Eh ben écoute, comme ça, y a rien qui me vient. Y aurait quoi? Peut-être le dernier à l'autre canal où t'étais au milieu de la foule. J'ai vu une vidéo, j'y étais pas malheureusement. Ah mais... ouais, au Super Lourd Festival, big up aux copains des LSLF. Ah ouais, c'était super assaut de techniciens. Ouais, bah ouais, c'est une anecdote, mais limite c'est le concert, l'anecdote en fait, quoi. Scène centrale dans le club de l'autre canal. Merci de nous avoir accueillis d'ailleurs aussi. Trop bien. Voilà, c'était vraiment énorme. La sensation était. La sensation était vraiment pas mal, ouais, surtout niveau sonore, quoi. Ok, génial. C'était une boucherie. Que penses-tu de la musique électronique et de son évolution? C'est la question chiante, celle-là. Bah, la musique électronique, bah, je sais pas qui je suis pour parler de ça, mais c'est vrai que c'est un côté institutionnel qui se sent de plus en plus, quoi. Comme le graphe est rentré dans les musées, la techno se fait petit à petit son chemin au travers de la musique, c'est de plus en plus respecté, puis bah, ça a tout ce que ça peut impacter, du coup. Ouais, voilà, c'est une expansion, voilà. Quoi. C'est ça. Eh ben, merci à toi, on va continuer. Qu'est-ce que tu nous as préparé, là, pour la suite? Et bah après, je sais pas, j'ai encore rien lancé sur les platines, là ce qui est en train de tourner c'est du Filberg, c'est de la super hypnotechno aussi, on reste toujours dans le thème de la texture et des trucs qui gâtent les oreilles. Et bah moi c'est pour Filberg. We'll be right back. j'espère, chers auditeurs, que vous êtes bien accrochés avec à votre fauteuil ou à votre fauteuil de voiture, parce que là, on commence un peu à décoller ici dans le studio. Waouh. J'ai encore quelques petites questions à te poser. Comment arrives-tu à gérer ton stress avant de mixer ? Là-dessus, j'avoue que j'en ai pas trop en réalité déjà. J'ai déjà fait pas mal d'instruments de musique et j'en fais encore avec des groupes qui tournent. Et avec les instruments, j'ai souvent un stress parce que je trouve qu'il y a quand même vachement moyen de se planter. Alors que sur un DJ set ou les parties plus électroniques qui sont... Que ça soit dans le modulaire ou en DJ set, tu vois, en DJ set, tu passes des morceaux, ils sont déjà finis, tu peux toujours encore tomber sur tes pattes, tu vois. C'est ça, exactement. Jamais trop faire de la merde. Et sur le modulaire, pareil, tous mes patterns sont écrits, donc à partir de là, si je me trompe, faut débrancher un truc, quoi. Donc non, ça va, sur ce côté-là du boulot, le stress, c'est pas le truc qui m'handicape le plus, quoi. Impeccable. Bon, de temps en temps, quoi, quand tu vois une salle qui est bondée et puis que tu vas monter sur scène, tu l'as un peu à 10 secondes, quoi, mais bon, ça passe vite une fois que t'es dedans, quoi. Et après, t'es à fond. Ouais, grave. Parmi les groupes, on peut citer quand même Aya, dont je suis un grand fan, et donc tu fais partie aussi. Ouais, je m'occupe du son de Aya, ouais. Incroyable. Un groupe de rock que je vous invite à écouter, chers auditeurs. Question farfelue, encore une fois. Je suis un grand fan de cuisine et de boissons. Avec quoi s'accompagnerait le mieux ton set actuel, là, que tu fais ? Docteur Feuille. Un bon rhum biel. Ah. Un rhum de Marie-Galante avec du multifruit. C'est le feu. Ok, super. Je connais pas du tout, mais ça me donne soif, tout ça. Une petite dernière. Dans quel club rêverais-tu de jouer et dans quelle ville ? Ou une ville et après un club, à toi de voir. Ouais, il y en a plein. Allez, le must, celui qui te vient tout de suite là. Ah, le must, j'en sais rien. Ouais, je dirais au plus près, au plus accessible pour que ça reste pas qu'un rêve, je dirais le Fuse à Bruxelles. Ah, et ben dans 4 ans, on t'y voit, je suis sûr. Ah bah j'espère. Invitez-moi. Allez, c'est reparti. chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Dr Feuille. Actuellement, je suis dans un avion et je fly. J'ai pris le commande de l'avion et on arrive jusqu'à la stratosphère. Voilà mon petit ressenti que je te parlais juste avant. L'avion va vite. Il va très vite, oui. Quelle est ta prochaine soirée et où ? Alors, ma prochaine soirée, tu m'avais demandé, mais je sais même pas. Là, j'ai regardé, je crois que c'est les NJP, je crois que c'est le Nancy Jazz Poursuite. Ah, excellent. Au Schmilblick pour la release party de Bogdan, notre cher Bogdan. Incroyable, super, ça va être trop cool. Voilà. Et ben, j'espère que j'y serai, mais je pense que j'y serai. Et ensuite à l'Octogone à Toul à la fin du mois aussi. Ah, génial. Chez les copains MRC. Exactement. Quel est ton plaisir coupable en musique ? Mon plaisir coupable en musique ? Allez, ton petit plaisir coupable. Ouais, je crois la chanson française en général, quoi. Ah ouais ? Ouais, grave. Un petit Daniel Balavoine ? Non, pas du Balavoine, plus des trucs Brassens, Moustaki, des trucs comme ça. Ouais, je peux comprendre. Ouais, j'adore. Et du coup, tu m'invites à poser cette question, c'est quoi ton plaisir coupable en nourriture, vu qu'apparemment... En nourriture ? qu'est-ce que j'aime bien en nourriture ? Oh, putain, la vache. Bah, j'aime à peu près tout. Donc, allez, le rougail saucisse. Envoie le rougail saucisse. Allez, on voyage avec ça. On va se garder des questions pour la fin. Grave. Allez. Je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove et on arrive à terme de cette émission. J'étais tranquillement assis sur ma chaise en train de me faire hypnotiser par Dr Feuille. J'espère, cher auditeur, que vous vivez la même sensation que nous dans ce studio. Comment décris-tu tes fans ? As-tu des fans ? Des personnes qui te suivent depuis le début ? En réalité, j'en sais rien. Ah. Très honnêtement, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il y a des gens qui me suivent depuis le début, peut-être. Qu'ils me le fassent savoir, mais sinon, je ne suis pas au fait de ça. Et donc, ces personnes mystérieuses, as-tu un petit mot pour tes fans qui t'écoutent ? Eh ben ouais, en tout cas, toujours merci d'être là. Sans vous, un artiste n'est rien, finalement. Citation de Bobine de Cuivre. Voilà. Oh. Comme si on a fait le tour des copains cités. Trop bien, merci. Ouais, merci pour votre danse, ça fait plaisir. J'adore ça, c'est de la musique de danse, donc merci de danser. Ah, c'est beau. C'était le moment un peu love, un peu mignon de cette émission. Cœur avec les doigts. Et on va passer sur l'instant promo. Sur quelle plateforme pouvons-nous retrouver ce que tu fais, Dr Feuille ? Alors, sur YouTube, sur SoundCloud, toujours au nom de Dr Feuille, et sinon, pour des nouvelles un peu plus régulières, sur Instagram, où je poste des extraits de jam que je fais chez moi, dans mon studio. Donc c'est des petits extraits d'une minute trente à chaque fois. Qui font extrêmement plaisir à l'oreille. Merci. Et on finit cette émission d'Instant Groove. Merci à toi d'être venu, Dr Feuille, et j'espère te revoir dans cette émission, mais dans un, deux, ou peut-être la semaine prochaine. Et ça me ferait trop plaisir. Merci pour l'invitation, et à plus tard. Avec grand plaisir, salut.